Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Malgré le déploiement des forces de l'ordre, des hommes armés ont dressé des barricades dans plusieurs quartiers de Beyrouth. Si Beyrouth est fermé, les autres routes circulent bien. Guy Carlier, qui co-présentait On ne peut pas plaire à tout le monde avec Marc-Olivier Fogiel, serait détesté par son ex-femme. Exactement, et ce à cause de nombreuses infidélités, des révélations qui laissent Monsieur Carlier groggy devant. Le trafic des bus était perturbé en région liégeoise à la suite d'une action syndicale. Les bus roulent sans respecter les horaires, ce qui fait craindre des bouchons à Liège. Valérie Beigle, l'ex-Miss France et Camille Lacour viennent de donner naissance à leur première fille. L'occasion pour l'ex-Miss France de revenir sur ses souffrances. Valérie Beigle n'arrive pas à parler correctement. Oui. Elle est contente. Et pour terminer, si vous aimez les jeux d'enfants et la prison, jouez à saute-maton. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Et hier, j'ai failli rater ça. C'était le grand retour de... 10 agriculteurs, tous célibataires, cherchent l'amour de leur vie. Eh oui, l'amour de leur vie. L'amour est dans le pré, mais sans Julie Tâton. Oui, elle peut pas être partout. Oui, elle peut pas être partout. Elle peut pas être, évidemment, à Belgium Without Talent et... sans l'amour. Oui. Sans l'amour et dans le pré, justement. Et donc, du coup, bah, avec Sandrine Dan, cette fois-ci, des agriculteurs toujours aussi futés. Et il y a combien de temps que vous ne vous êtes pas fait piloter comme ça par une dame? La dernière fois. Ah oui, depuis la dernière fois, oui, c'est ce que la madame te demande justement. Hein. Donc c'était quand cette dernière fois hein. Et c'est pas un cas isolé justement. Pour vous expliquer, dans la première émission, les agriculteurs en fait reçoivent les lettres de leurs prétendants, prétendantes, etc. Et notre fermière bah, se demande quoi à votre avis bah, une idée? Je sais pas. S'ils vont être beaux. S'ils vont être beaux. C'est une idée. Oui. Oui. Bah, c'est une idée. C'est une idée aussi. Le courrier. Ah, tu fais comme tu veux, ou si tu veux pas l'ouvrir, tu l'ouvres pas. Ah bah ouais, tiens, bah justement. Attends, la meuf, elle reçoit des lettres et elle se demande si elle doit les ouvrir. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ouvre ou pas? Bah, je sais pas. Bon, ouais, ils ont encore pris des champions du monde. Après, grande réflexion, elle en ouvre une, ça y est, c'est fait. Ouvre peut-être vite une. J'en ai assez d'une. On va trouver une. Pas besoin d'ouvrir les autres. Bah oui, ce serait con d'ouvrir les autres, effectivement. Mais non, mais elle a raison, on sait jamais hein, qu'elle trouve mieux, tu vois. Ça, on bah sait oui, jamais. Ça. Bon, maintenant, j'ai besoin qu'on m'explique ce que c'est que ça, en fait. J'ai du mal à comprendre. Coralie, professeur de cumulé. Ça existe, ça Eh oui, alors moi, je veux bien que ça existe, mais c'est quoi, professeur de cumulé? Je sais pas, on t'appelle des cumulés. Oui, en général, moi, j'appelle plus ça professeur de gymnastique ou professeur de sport, si tu veux, mais professeur de cumulé. Non, parce que je sais pas, moi. Alors la meuf qui lui a écrit se fout de sa gueule, c'est possible aussi. Bref. J'opterais plus pour cette solution-là. Eh oui, bah, si vous deviez écrire à un mec, là, vous commenceriez par quoi? Par dire quoi, par exemple, Aline? Si je devais écrire à un mec? Ah ouais, ouais, voilà, un mec, un fermier, là, l'amour est dans le pré. Oh, je sais pas, Bonjour, mon boulin. Voilà. Ouais, bonjour, mon boulin. Bon, non, parce que dans l'amour et dans le pré, en fait, il y en a une qui a commencé par ça. Oh là, bonjour Pierre, ma maman s'appelle Fernande. Elle va bientôt fêter ses 60 ans. D'abord, on présente la maman. Ah, bah bien sûr, hein. C'est la belle-mère. C'est quoi, c'est ça. Normal. Non, bah ça donne envie de rencontrer quelqu'un quand même, non, voyons ça. Ah, bah oui, je sais pas moi ce qu'il faut écrire, j'en sais rien. Bon, à votre avis, qu'est-ce qui fait fantasmer un agriculteur, par exemple? Une bonne grosse vache. Voilà. Non, mais ou alors, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il voudrait que sa future femme soit capable de faire, par exemple, je sais pas. La bouffe? Ouais, bah oui, d'office. Non, la confiture ou un non, truc. Non, pas du tout. On va les faire venir, tiens, celui-là. Pour voir ce qu'elles vont nous chanter, si elles chanteront Malbrook s'en va en guerre ou quoi. Malbrook s'en va en guerre. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Alors, ah, je suis impatient qu'ils se rencontrent la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'on va encore avoir du lourd pour cette saison. Hein. Ah oui. Ah, ben, heureusement, Belgium Got Talent s'arrête. Hein. On va pouvoir passer directement. On a encore 3 semaines. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va passer à l'amour et dans le pré. Ah, oui. L'amour et dans le pré, ça va être très très bien. J'espère qu'on va tomber sur le tueur de l'année dernière. Hein, celui qui a dit oui, j'ai déjà passé à la télévision en cours d'assises, j'ai tué mon patron.